Nouvelle épidémie, ils nous font croire que ça vient d'une chauve-souris. Ils parlent de pandémie, garde un œil sur toute l'économie. Pardonnez-moi, je trouve ça bizarre quand on regarde un peu. Laboratoire de type P4, ça devient mystérieux. On connaît les petites guerres entre la Chine et les États-Unis. L'affaire du SRAS me pose quelques soucis. Comment niquer toute une puissance économique? Des milliers de morts et beaucoup de fric pour les lobbies pharmaceutiques. Plus je réfléchis, plus je vois les mensonges qu'on nous sert. Mais pour l'instant, je suis indécis tant que les médias sont pas sincères et tout se contredisent. Sur le net, beaucoup d'infos se mélangent. J'écoute ce qu'ils disent. C'est pas très net, y'a trop de choses qui me dérangent. Des milliers de morts, tout le monde s'affole. Eh, regarde un peu le Congo, c'est des millions qui sont sous le sol. Mais ça, bien sûr, personne en parle vu qu'on est centré sur nous-mêmes. Tu me diras, rien de comparable, t'es complètement sorti du thème. Mais je vois les choses en face, je suis de ces jeunes qui laissent leurs traces. Quand les moutons s'entassent, je reste seul loin de la masse. Je m'inquiète quand je vois le cas de Li Wenliang, lanceur d'alerte, soi-disant mort de maladie parce qu'il tient pas sa langue. Un martyr pour le peuple, mais un danger pour le gouvernement. Mal informé, ceux qui gouvernent mentent. C'est pas nouveau, tout le monde le sait, mais personne ne dis rien, je manie les mots, je vais les baiser comme l'ont fait les anciens. Liberté, égalité, fraternité, de toute façon personne n'y croit. Comment expliquer le 49-3? Comment expliquer Ziyadé Bouna, Traoré au Fofana? Comment expliquer qu'on perd tant de Gava? Alors ouais, je m'en bats les couilles du corona. Tant que la connerie perdurera, c'est nos proches qu'on enterrera. Tant que la police nous fracasse et discute avec des gars, y aura des gilets jaunes partout et des rappeurs qui grattent des phrases. J'lâcherai jamais l'affaire, c'est pas un virus qui me fera taire. Pour voir la paix, faut d'abord faire la guerre. Juste un mouvement de panique, alors détendez-vous. Y'a plus de morts dans toute l'Afrique, c'est un sujet tabou. Mais vu que la télé parle que ça, les gens sont parano. Allez courir, achetez vos masques, me soignerez par les mots. Juste un artiste de plus, mais pas la même vision. Juste un artiste de plus, qui prendra position. Parce qu'on a grandi loin de tout ça, demande à mon partenaire. J'ai ma part de bonté, mais j'ai aussi ma part de nerfs. Depuis gamin, j'ouvre les yeux là où tout le monde les ferme. De toute façon, je mourrai pas vieux, j'suis déjà blindé de cernes.